Antoine. Emma. Bonjour. Jingle. Radiozine. Est-ce une radio ? Est-ce un fanzine ? Est-ce un radis ? Est-ce une usine ? Bonjour. Bonjour la radio, bonjour les auditeurices. Je regarde un truc, voilà. Comment ça va Antoine ? Mais ça va plutôt bien aujourd'hui, comme la météo. Et toi Emma, comment vas-tu ? Mais moi ça va vachement plutôt bien, je viens de manger une barre chocolatée. Dont alors, nous ne citerons pas la marque. Non, surtout pas. Et commençons avec nos habituelles et traditionnelles trois respirations, oui, s'il vous plaît. Voilà. Magnifique. Magnifique. Tout va mieux. Alors, on va passer à la nouvelle du jour pendant qu'on accueille Gabriel Valtcheff qui va s'installer, yes, au bout de la table. Ouais, où tu veux. Ouais, tu peux prendre une chaise. Et ici, ouais, parfait. Super, alors. Donc ici, c'était à ma droite pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas vraiment pu voir l'action se produire. La nouvelle du jour. La nouvelle du jour, Emma Swartz. Oui. Et c'est vraiment une très, très belle nouvelle qu'on a appris. Donc, il y a de ça maintenant, on va dire, deux jours en différé. C'est-à-dire que l'hymne tchétchène est maintenant trop lent pour être diffusé en Tchétchénie. Effectivement, il plafonne à 78 battements par minute. Et la nouvelle loi qui a été mise en place donc, par le président Kadyrov lui-même interdit en fait tout type de musique qui se situe entre 80 et 116 BPM. Voilà, donc on est... Enfin, autorise uniquement les musiques entre 80 et 116 BPM, oui. Ouais, c'est ce qu'il y avait dans ma tête. Voilà. Ouais. Pardon. Et autre bonne nouvelle, mais du coup qui fait un rebond à cette même nouvelle, c'est que l'hymne russe ne passe pas non plus en fait la barre avec 71 BPM. Pour son hymne, voilà, c'est grandiose. C'est magnifique.